Sixième partie, deuxième voyage. Le départ eut lieu de La Rochelle le 17 septembre 1699, à 8h30 du matin. Le 11 décembre, c'est-à-dire après 50 jours de navigation, l'escadre arrivait au Cap Français, où débarquèrent quatre malades. M. de Galifet, lieutenant du gouverneur, accueillit M. d'Iberville et lui fournit les rafraîchissements nécessaires. On embarqua aussi des volailles et des bestiaux. Le 22 décembre, départ du Cap Français, et 20 jours après, arrivé au fort de Biloxi. Le 9 janvier, M. de Sauval vint à bord et rendit compte de tout ce qui s'était passé depuis le départ de M. d'Iberville. Il avait reçu la visite d'un bâtiment anglais commandé par le capitaine Banks, que M. d'Iberville avait fait prisonnier au fort Nelson 5 ans auparavant. Le capitaine, ayant vu le fort de Biloxi, avait dit qu'il reviendrait en force, mais cela n'inquiéta ni M. d'Iberville, ni M. de Sauval. Pendant que quelques marchands de Montréal s'inquiétaient de l'établissement de Biloxi, d'autres Canadiens s'en réjouissaient, et y voyaient la source de beaucoup d'avantages pour la Nouvelle-France. Dès que Mgr l'évêque de Québec avait eu connaissance des succès de M. d'Iberville, il avait envoyé M. de Montigny, son grand vicaire, avec M. d'Avion, missionnaire des Illinois. Ces messieurs parlaient les langues de plusieurs nations sauvages, et il venait s'offrir au zèle religieux du chevalier d'Iberville. M. Juchereau de Saint-Denis, oncle de Mme d'Iberville, comme nous l'avons vu précédemment, vint offrir ses services et son expérience. Il avait conduit plusieurs hommes avec lui. Il était réservé à plus d'une aventure. Enfin, l'on vit aussi arriver 20 Canadiens commandés par M. de Tonty, qui avaient traversé intrépidement toutes les nations sauvages, et qui s'était rendu avec bonheur à cet ancien théâtre de ses premiers exploits. Il était au comble de la satisfaction de voir se réaliser l'œuvre qu'il avait déjà tentée avec l'héroïque M. de La Salle. M. d'Iberville accueillit ses nouveaux auxiliaires avec la plus entière cordialité. Il enjoignit d'abord à M. Le Sueur, son cousin, de préparer tout ce qui était nécessaire pour remonter le fleuve avec une vingtaine d'hommes, afin d'aller exploiter aussitôt les mines de cuivre qui lui avait été signalé au 45e degré de latitude. Il donna des compagnons à M. de Saint-Denis pour s'en aller explorer les côtes du golfe, à l'ouest, depuis la palissade jusqu'à la baie Saint-Louis. Quant à M. de Tonty, qui connaissait les langues sauvages, ainsi que les Canadiens qui l'avaient accompagné, il lui proposa de remonter le fleuve avec lui. Enfin, il prit aussi avec lui l'aumônier de l'escadre, ainsi que M. de Montigny. Son frère Chateauguay devait être aussi de l'expédition. Le but de M. d'Iberville était de reconnaître les sites avantageux, de voir quelle était la fertilité de la terre et les productions utiles, enfin de lier des relations avec toutes les tribus sauvages dont il avait dessein de se servir pour l'exploitation et la colonisation du pays. Il partit le 1er mars 1700, et en 2 jours il atteignit la première île du Mississippi en quittant la mer. Il paraît que c'est alors qu'il commença à être atteint de la fièvre et de douleurs extrêmement vives aux genoux, qui venaient probablement de toutes les fatigues qu'il avait ressenties dans les expéditions précédentes. Il chercha d'abord à vaincre son mal et continua sa marche, mais au bout de quelques semaines, les douleurs furent si vives qu'il fut obligé de revenir sur ses pas. Le 3 mars 1700, il débarquait aux Zumas, et renouvelait les arrangements qu'il avait faits avec eux lors de son premier voyage. Les jours suivants, il atteignit le port, qui se trouve à l'extrémité nord de la nation des Zumas. Le 10, il visitait les Natchez, qu'il considérait comme la nation sauvage la plus intelligente, et où il voulait établir une station principale, à laquelle il désirait donner le nom de Sainte Rosalie, en l'honneur de la patronne de Madame la Marquise de Pontchartrain. Le 14 mars, arrivé au Tasmas, à 15 lieues des Natchez, au 34e degré de latitude. Ce fut le point extrême où se rendit M. d'Iberville. M. de Montigny connaissait la langue de cette nation, et il y fit commencer une église, qu'il devait remettre à un missionnaire du Canada. Lui-même se proposait de résider au Natchez. Il était capable de rendre les plus grands services aux intérêts de la religion. M. d'Iberville ayant rempli le principal objet de son excursion et se sentant encore plus malade, confia à M. de Bienville la suite des opérations. il avait accompli au moins une partie de ce qu'il s'était proposé. Il avait parcouru 200 lieues sur le fleuve. Il en avait exploré les rives et constaté l'abondante fertilité du sol. Il avait noté des relations avec les principales tribus du Sud. Il avait pacifié leurs différends et les avait exhortés à vivre en amitié avec les Français qui allaient s'établir chez eux. Des missionnaires allaient fonder des sanctuaires et faire connaître les enseignements de la religion, contre lesquels les naturels n'avaient aucune prévention. M. de Montigny devait s'établir au Natchez, et un autre religieux devait résider aux Oumas. En même temps, M. d'Avion allait s'établir aux Illinois. Sur l'invitation de ceux-ci, et un père jésuite commençait l'érection d'une église au Bayagoulas. M. de Tonty, ayant vu les premiers fruits de l'entreprise, reçut une mission particulière. Il devait aller jusqu'aux Illinois, chargé des présents de M. d'Iberville, pour concilier les indigènes aux enseignements de M. d'Avion. Le 24 mars, M. d'Iberville, revenant vers Bayagoulas, rencontra M. Le Sueur, son cousin, qui avait terminé ses préparatifs et qui allait remonter jusqu'aux chutes Saint-Antoine. Il avait avec lui le sieur Pénicaud, maître charpentier, qui a écrit la relation de cette entreprise. Nous en citerons quelques détails. Le 25 au matin, M. d'Iberville se dirigea vers Bayagoulas avec son frère de Châteauguay, tandis qu'il envoyait M. de Bienville passer quelques semaines dans les régions de l'Ouest. C'était d'abord son dessein de faire lui-même cette excursion, mais son malaise étant devenu plus grand, il lui fallut confier cette mission à son frère. Il continua son retour en canot avec deux hommes et le jeune de Châteauguay. M. d'Iberville, malgré la fièvre qui le tourmentait toujours, et malgré les douleurs qui l'empêchaient de marcher, passa tout ce mois à sonder les passes, à examiner les sites pour les établissements futurs. Enfin, il put recueillir bien des renseignements de la part des sauvages qu'il rencontra. Il apprit ensuite que des nations sauvages avaient quitté leur position au nord pour s'établir dans un climat plus favorable au sud. Entre autres, il en était ainsi des Tuscaroras, une des 5 nations iroquoises établies près du lac Ontario, qui avaient quitté leur foyer depuis quelques années, attirés par la douceur du climat du sud, et qui étaient venus se fixer dans la Caroline, et cela, paraît-il, lui suggéra des idées pour l'avenir. Par une disposition particulière, les pays du sud, qui étaient les plus doux et les plus fertiles, étaient les moins peuplés, et les populations les plus nombreuses étaient au nord. Du golfe du Mexique jusqu'à l'entrée du Missouri, on comptait une 20aine de petites nations, et ces nations n'étaient composées que de quelques familles, 30 ou 40, et pas davantage. Pour exploiter tous ces pays, il aurait fallu que les nations du nord, qui sont très nombreuses, comme les Sioux, les Ottawa, les Illinois, fussent déterminés à descendre dans la proximité du golfe, ce qui serait d'un immense avantage pour eux et pour les Français qui voudraient traiter avec eux. Cette idée, si étrange qu'elle puisse paraître, était déjà venue à plusieurs de ces nations. Même les plus sauvages, et comme nous l'avons dit, les Tuscaroras étaient établis dans la Caroline. Le 18 du mois de mai, comme il avait été convenu, M. de Bienville, qui avait été en excursion à l'ouest du Mississippi, revint à Biloxi. Il avait fait peu de chemin et avait rencontré peu d'indigènes. À cette époque de l'année, la fonte des neiges faisait déborder toutes les rivières affluant au Mississippi qui sortaient de ses rives. L'on pouvait à grande peine remonter la force des courants, et l'on ne pouvait aborder, parce que toutes les côtes étaient submergées à une grande distance. M. de Bienville avait donc peu de renseignements à fournir à son frère. Le 19 de mai, M. de Montigny et M. d'Avion arriveront avec 2 chefs sauvages des Natchez et des Tonicas. M. de Montigny était tellement accablé de fatigue qu'il crut devoir demander de repasser en France. Il pouvait utiliser son voyage en demandant des prêtres à la maison des missions étrangères à Paris. On pensait néanmoins qu'il était déjà découragé du peu de succès qu'il y avait à espérer parmi ces populations légères et dépravées du Sud. Le 16 mai, M. d'Iberville donna des instructions à M. de Sauval sur ce qu'il y aurait à faire pendant son absence. Il insiste sur la nécessité de recueillir toutes ces plantes que connaissent les sauvages et dont ils se servent pour leur teinture et pour leurs remèdes. Il faut se procurer le plus que l'on pourra de veaux sauvages pour les élever dans les parcs et les domestiquer. Il faut rechercher tous les lieux où se trouvent des perles. L'on devra éprouver différents bois en les mettant dans l'eau pour voir quels sont ceux qui ne sont pas attaqués par les vers. En attendant que M. Le Sueur revienne de son excursion dans le Haut-Mississippi, il faudra envoyer M. de Saint-Denis pour visiter la rivière de la Marne au pays des Gododakis. Enfin, il faudra s'opposer par tous les moyens à aucune agression de la part des Espagnols. Le 28 mai, M. d'Iberville, ayant fini ses dispositions, partit pour la France avec ses deux vaisseaux. Il était favorisé par un vent sud-sud-ouest.